Bon, ben, merci de m'accueillir et merci d'avoir présenté les éditions. C'est vrai que le texte, enfin, ce travail, au début, c'était parti d'un, je pourrais dire, d'un débat interne, puisque je voulais un peu apporter une réponse à certaines formulations qui étaient internes à la critique de la valeur. Mais en cours d'écriture, je me suis bien sûr rendu compte que cette question-là dépassait tout à fait nos débats internes, qui sont importants aussi, et comme tu l'as dit, aussi pour s'autocritiquer, rester vivant, mais que c'était des questions qui traversaient aussi non seulement le courant anti-industriel, les critiques traditionnelles de la technologie, le mouvement écologiste, et je me suis bien rendu compte que c'était intéressant de le porter aussi vers l'extérieur. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des questions que moi, personnellement, je me pose depuis longtemps et je pense que je suis pas du tout la seule. Je pense qu'on se sent posé, mis devant le fait accompli du développement technologique. On a l'impression que ça se passe sans nous et ça se dit souvent dans la vie quotidienne, mais on n'a pas forcément d'explication pour ça. Alors quand on se pose la question de quelle critique opposer à ça, ben, souvent c'est des critiques qui sont affectives, genre on n'est pas bien avec ces choses-là, ou on essaye par exemple, de différencier entre des bonnes technologies et des mauvaises technologies, ou bien entre des bons usages et des mauvais usages. Et toutes ces façons d'aborder le problème du développement technologique me paraissent un petit peu limitées, ou bien trop personnelles, ou bien trop affectives, et en tout cas manquer de rigueur sur le plan conceptuel. Et alors, je me suis aussi rendu compte, et je pense vous aussi, que toutes ces critiques partielles, disons, elles sont condamnées à céder du terrain sans arrêt. Elle se trouve sans arrêt rejetée en arrière vers un seuil qui est déjà dépassé, et donc du coup à une position réactionnaire. C'est un peu l'impression qu'on a, c'est-à-dire que finalement on ne peut être que réactionnaire si on critique la technologie. Et c'est d'ailleurs à ça qu'on est renvoyé en général. Du genre, est-ce que tu vas pas retourner, on va pas retourner à la bougie, voilà. Alors, ça veut dire que ces critiques, celles qui sont habituelles, et je ne peux pas maintenant les passer en revue, on peut en parler après, je dirais elles s'en tiennent au niveau phénoménal de la technologie, là où il s'agirait de comprendre la dynamique interne. Comment ça se fait que ça évolue comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'on se trouve dans une logique qui, en fait, n'a aucune limite de principe? C'est-à-dire, en fait, on se dit, ben, ça peut continuer jusqu'où? Enfin, c'est quand même la question. Alors, aucune limite sauf la destruction pure et simple de tout ce qui existe. Parce que si on pousse vraiment la limite, c'est quand même ça. Alors, le transhumanisme promeut aussi au grand jour ce que j'appellerais une métaphysique du progrès indéfini, avec l'idée justement qu'il n'y a pas de limite. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est de voir que les idées du transhumanisme sont beaucoup plus anciennes que lui, mais qu'elles sont aujourd'hui décomplexées et rabattu idéologiquement au même niveau que l'évolution terrestre, voire cosmique. C'est-à-dire que c'est présenté comme une évolution naturelle, la continuation en fait de l'évolution de l'humanisation. Alors cette métaphysique, elle est au cœur de la dynamique historique du capitalisme et elle tourne, selon moi, comme je vais essayer de vous le montrer, autour de la question de l'énergie, d'une part, et autour de cette thèse fondamentale de l'autonomie de la technique, celle qui fait qu'on se sent mis devant le fait accompli. Cette thèse-là, c'est celle de Jacques Ellul. C'est son grand dada, si on veut. Et c'est le fonds de commerce du transhumanisme. D'une certaine manière, c'est aussi ce qu'on met en avant sans s'en rendre compte quand on dit ben, on finira bien par avoir une solution à chaque fois qu'on est posé devant des nouveaux problèmes. Alors, la société du travail et le développement technologique ont un rapport très étroit. C'est ça que j'aimerais vous montrer aujourd'hui. Et je pense qu'une critique radicale de la société du travail telle que portée par la critique de la valeur, elle doit être en mesure de faire apparaître le lien qu'il y a entre les deux. C'est peut-être ça qui n'avait pas été, selon moi, fait suffisamment jusqu'ici. Alors, si on lit Marx lui-même, on trouve des éléments d'une critique radicale de la technologie qui va au-delà, à mon avis, de son penchant progressiste, qui existe aussi. Et qui se loge plutôt dans les catégories qu'il développe, dont justement celle du travail abstrait. C'est-à-dire que finalement, il y a un Marx, on pourrait dire donc exotérique, qui serait un Marx progressiste, qui parle du développement des forces productives, etc. Et puis il y aurait un autre Marx qui lui développe les catégories, donc qui ont été nommées tout à l'heure rapidement, le travail, la valeur, l'argent, le capital. Et si on examine ces catégories, ça nous permet peut-être de critiquer la technologie. Alors moi, la question que je pose, c'est qu'est-ce qui se passe entre ce que Marx appelle travail vivant et travail mort? Je vais vous expliquer ce qu'il entend par là et en quoi consiste la substitution entre les deux. Si on arrive à expliciter cette substitution, on élucide, à mon avis, non seulement la question de la prétendue autonomie du développement technologique, mais aussi on peut réinscrire le thème de l'énergie au cœur de la critique du capitalisme. C'était un peu laissé de côté quand même, la question de l'énergie, dans le marxisme. Alors je commence par là, ce que je vous ai dit, la question du travail vivant et du travail mort, et le problème de la substitution. Marx dit que les produits du travail, donc aussi les moyens de production, comme les machines, les matières premières, etc., sont du travail passé, du travail mort. Il appelle ça comme ça. Parce qu'il a fallu du travail pour les produire, mais ce n'est plus du travail actuel. Il dit que le capital insuffle du travail vivant dans du travail mort. Seule cette opération met en branle le mouvement autonome de la valorisation qui suppose obligatoirement du travail vivant à sa source. Alors je vais vous citer Marx, il le dit mieux que moi. Il dit « En achetant la force de travail, le capitaliste a incorporé la force de travail proprement dite comme un ferment vivant au constituant mort qui lui appartenait également. De son point de vue, le procès de travail n'est que la consommation de la marchandise force de travail qu'il a achetée mais qu'il ne peut consommer qu'en lui ajoutant des moyens de production. Le procès de travail met en jeu des choses que le capitaliste a achetées, des choses qui lui appartiennent. Le produit de ce procès lui appartient donc tout autant. » Donc le capitaliste, c'est celui qui achète deux choses. Il achète des moyens, donc des moyens de production, comme les bâtiments, les machines, etc. Et il achète, donc ça c'est le travail mort, et il achète la force de travail. Et ça c'est du travail vivant. Et il met les deux ensemble, et quelque chose est produit, et ça, ça lui appartient également. Et avec ça, il fait de la richesse. Donc la combinaison produit quelque chose de plus que la valeur qui était déjà contenue dans les produits qu'il avait achetés. Donc il y a quelque chose de plus qui est produit. Et là, ça devient intéressant. On peut se demander, par exemple, je ne sais pas si le capitalisme, ça ne se fait plus maintenant, mais dans les débuts du capitalisme, il y avait encore l'esclavage et il y avait encore, je sais pas, le cheval, par exemple, ou ça peut encore arriver aujourd'hui. Est-ce que c'est du travail vivant? C'est des êtres vivants et pourtant, ils sont considérés comme des moyens de travail. Et donc, en tant que tel, c'est déjà du travail mort. Parce que seul, pour Marx, seul le travail salarié, à l'époque, maintenant il y a des nouvelles formes intermédiaires, produit de la valeur. Donc, tout être vivant est considéré du point de vue capitaliste, soit comme du capital, soit comme détenteur d'une force de travail rémunérée, le travailleur. Et donc, s'il y a des figures intermédiaires, ça ne doit pas changer notre compréhension des catégories. Donc, je vous donne des exemples banals, mais le matériau bois et la scierie sont du travail mort, valorisé par le travail de l'employé de scierie, le menuisier, et puis etc. Le poulet et la batterie de poulet sont du travail mort, qui vont être valorisés par le travail de l'exploitant agricole et son personnel. Donc en ce sens-là, la forêt vierge ou la poule sauvage n'intéresse absolument pas le capitaliste, sauf si c'est du capital, c'est-à-dire s'il l'investit comme produit d'un travail, comme élever la poule, etc. Ça devient du travail. Donc on voit qu'il y a là aussi le ferment de l'idéalisation moderne de la nature comme virginité non contaminée par la logique instrumentale. C'est-à-dire qu'on va se mettre à idéaliser la forêt vierge, justement parce que tout est capital en puissance. Alors là, on peut voir que le réductionnisme que subit le travailleur est le même que subit l'ensemble de ce qui existe. C'est deux manières de pratiquer ce réductionnisme, et la force de travail est l'étincelle vivante qui anime le monde mort du capital. Donc on voit que le mort et le vivant reçoivent avec le capital une définition entièrement nouvelle. Tout ce qui n'est pas force de travail actuelle est réserve inerte de capital. Le capital s'approprie ce qui existe, soit comme travail mort, soit comme travail vivant. Alors ça, c'est quand même clair si on lit les économistes néoclassiques, c'est-à-dire que a priori, il n'y a rien qui est destiné à rester tel quel. Tout est capital en puissance. Même les déchets sont destinés à devenir du capital, mais les gènes, l'attention humaine, les affects, l'intimité, tout. Il n'y a pas de territoire sacré. Alors, je dis ça aussi parce que je pense qu'il y a un danger dans nos idéalisations de certains territoires sacrés, j'appelle ça comme ça, quand on s'imagine pouvoir les excepter de cette logique. Alors, c'est en ce sens que le travail vivant, c'est-à-dire la force de travail qui vient animer le capital, ou encore le valoriser, est la substance du processus de valorisation. Le travail, par son simple contact, ressuscite les moyens de production d'entre les morts, dit Marx. Il les anime pour en faire des facteurs du procès de travail et s'unit à eux pour donner des produits. Et Marx ajoute, Le capital a une unique pulsion vitale, se valoriser, créer de la survaleur, pomper avec sa partie constante les moyens de production, la plus grande masse possible de surtravail. Le capital est du travail mort, qui ne s'anime qu'en suçant tel un vampire du travail vivant, et qui est d'autant plus vivant qu'il en suce davantage. Alors maintenant, je vais vous parler d'un autre aspect. On vient de dire que le travail vivant transforme une chose qui a une certaine valeur en quelque chose qui a davantage de valeur. Il faut maintenant examiner la nature de cette transformation. Et donc là, on en vient à la question de l'énergie. On a une certaine quantité de travail vivant qui transforme une certaine quantité de choses en travail passé. Entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé ? De la valeur a été créée. En ce qui concerne le développement technologique, on constate empiriquement qu'il y a de plus en plus de travail mort. Le monde est rempli de machines et on parle un peu partout de tout automatisé. Et parallèlement, il y a de moins en moins de travail vivant susceptible de créer de la valeur. Alors, je fais juste une parenthèse, mais je ne pourrais pas développer ça, on peut en parler dans la discussion. Quand on dit qu'il y a de moins en moins de travail vivant, on entend du travail productif au sens marxien. C'est-à-dire qu'effectivement, et ça c'est une chose qui est sans arrêt opposée dans les débats, ça crée aussi du travail. Même les machines, elles créent aussi des nouveaux besoins, donc plus de travail. Mais la question fondamentale, c'est de savoir quel travail produit de la valeur et quel travail n'en produit pas. Et il y a par exemple toute une série d'emplois qu'on considère comme ne produisant pas de la valeur, mais comme étant les faux frais en fait du capital. Alors un exemple facile, parce qu'il y a beaucoup d'exemples qui sont moins faciles, c'est par exemple les employés de l'État. L'État, pour financer les fonctionnaires, par exemple, il est obligé de prélever des impôts qui sont eux-mêmes prélevés sur la valeur. C'est-à-dire que ça ne crée pas de valeur, mais ça c'est financé par la valeur créée à l'extérieur, par la sphère de production. Bon, c'est pas très bien expliqué, mais c'est quand même une distinction importante. Alors, bien que donc il y ait un certain nombre de travaux qui sont créés et qui sont improductifs pour une part, la création de valeur subit un épuisement structurel car les marchandises contiennent de moins en moins de valeur, cependant que l'infrastructure, elle, ne cesse de s'étendre et donc aussi les frais de fonctionnement de cette infrastructure. Plus se répand, s'étend, plus l'infrastructure s'étend avec lui. Alors Marx montre que lors du développement primitif du capitalisme, on a eu recours à l'allongement de la journée de travail pour augmenter le temps de ce qu'il appelle surtravail. C'est-à-dire qu'il y a la partie qui va servir à la reproduction du travailleur, donc son salaire, et puis il y a une partie en plus qu'il appelle le surtravail. Et le surtravail crée de la plus-value, comme on disait avant, ou de la survaleur, et en l'occurrence de la survaleur absolue, c'est-à-dire en allongeant la journée. Mais ce procédé-là ne pouvait pas durer, parce qu'il y a eu beaucoup de pression sociale et des luttes, et donc on a été obligé de limiter la journée de travail. Alors le capitalisme s'est engagé dans une autre direction. À durée de travail égale, il va s'agir d'augmenter la productivité, ce qui crée de la survaleur relative. Marx appelle ça la survaleur relative. Il dit, je cite Marx, « La machinerie est un moyen pour créer de la survaleur ». Donc, l'introduction de la machinerie et l'industrialisation était une nécessité structurelle liée à l'expansion du capitalisme. Ce n'est pas une sorte de pulsion innée des êtres humains qui aurait commencé avec la découverte du feu. Alors, dans le monde prémoderne, il n'y avait pas de quête de développement technologique, ce dont on parlait au début. Il y avait des techniques qui étaient connues, mais qui n'étaient pas employées. Il y en avait qui stagnaient, on était satisfait. Il y avait divers procédés qui pouvaient coexister. Ce n'est plus le cas. Ce n'est qu'avec le capitalisme industriel que la technique entre dans un développement effréné, homogénéisant et apparemment autonome. Et avec lui, le mythe du progrès. Or, Marx localise ce changement historique dans le passage de l'outil à la machine-outil. Les machines-outils affranchissent le travail de sa limitation organique. Par exemple, avant, il y avait deux bras et tout à coup, il y en a 10 ou il y en a 100 grâce à la machine. Et la faiblesse organique de l'humain est décuplée. Marx dit aussi que l'humain reste le premier moteur. C'est ça qui est important. Mais il est réduit à une force d'actionnement. Ça, c'est les termes de Marx. Il s'agit d'augmenter la productivité du travail humain dans un seul et unique but qui est d'augmenter la survaleur relative. Alors, je vous cite encore Marx. La machine produit de la survaleur relative non seulement en dévalorisant directement la force de travail, et en la rendant indirectement meilleur marché par la baisse des prix des marchandises qui entrent dans sa reproduction, mais aussi en transformant, dès qu'elle est introduite sporadiquement, le travail employé par le possesseur de machines en travail potentialisé, en élevant la valeur sociale du produit des machines au-dessus de sa valeur individuelle et en permettant ainsi aux capitalistes de remplacer par une moindre part de valeur du produit quotidien la valeur quotidienne de la force de travail. Donc ce qu'il dit là, c'est que la force de travail a de moins en moins de valeur. Je ne le dis peut-être pas bien. C'est-à-dire que la machine accomplit beaucoup, est beaucoup plus productive que la force de travail. Et l'industrie est prisonnière de cette contradiction. Du point de vue de la stratégie individuelle du capitaliste, il est obligé soit de s'adapter au développement technologique, soit lui-même de le provoquer. Ça, c'est ce qu'on voit quand on parle d'innovation et de disruption, etc. Mais du point de vue de la totalité capitaliste, on est encore obligé d'avoir recours à du travail vivant. Parce que sinon, il n'y a plus de valeur du tout. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction fondamentale entre finalement les visées égoïstes du capitaliste et le besoin de la société capitaliste prise dans sa totalité. Et on est obligé de comprendre cette contradiction pour comprendre la reproduction d'ensemble du capital. Au niveau individuel, il y a aussi des entreprises qui profitent du marché de la concurrence pour tirer leur épingle du jeu, c'est-à-dire réaliser sur le marché davantage de valeur qu'elles n'en produisent elles-mêmes. Mais cela ne change rien à la tendance générale que je viens de dire et qui a été analysée par Robert Kurz et qui ne peut que conduire à une crise généralisée de la valorisation et donc de la reproduction sociale. Donc, je reviens à cette histoire de travail vivant, travail mort et la question de la substitution, c'est-à-dire comment progressivement le travail vivant est remplacé par du travail mort et comment se fait cette substitution. Elle n'a pas d'autre limite que celle de la substituabilité. Bien sûr, il y aura toujours des travaux qui resteront irremplaçables. Mais on a l'impression, en tout cas dans ce qu'on entend, que s'ils étaient remplaçables, on le ferait volontiers. C'est pourquoi on parle de services automatisés, de voitures autonomes, d'intelligence artificielle, etc., comme si c'était évident et puis comme si c'était souhaitable que toute l'existence sociale soit automatisée. Mais en même temps, comme vous pouvez le remarquer, on ne délivre jamais les gens de l'obligation d'aller travailler. Et on poursuit même le rêve du plein emploi. Comment expliquer un discours aussi schizophrénique? Cette contradiction se mord la queue et se dirige vers ce que Robert Kurz appelle une limite interne absolue, c'est-à-dire une crise de reproduction globale. Alors le rapport entre le travail vivant et le travail mort est déterminé par l'état du développement technologique, c'est-à-dire qu'il y a différentes époques du développement historique. Et ce qui est intéressant, c'est que la composition du capital, cette composition entre travail vivant et travail mort, elle peut être abordée selon Marx par deux côtés. Et je vais vous le citer. Du côté de la valeur, elle se détermine par la proportion selon laquelle il se divise en capital constant, ou valeur des moyens de production, et capital variable, ou valeur de la force de travail. Du côté de la matière, telle qu'elle fonctionne dans le procès de production, tout capital se divise en moyens de production et force de travail vivante. Cette composition se détermine par le rapport entre la masse des moyens de production employés d'un côté et la quantité de travail requise pour employer ceux-ci de l'autre. Et alors Marx dit « La première composition, je l'appelle composition valeur. La seconde, composition technique. » Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est deux côtés de la même chose. Il dit « Il existe entre les deux une étroite corrélation. » Alors, selon moi, ça mérite une interprétation. Et j'ai donc eu l'idée de faire ça comme ça, pour essayer de le représenter. J'ai pensé que ce serait plus facile. On a le travail vivant, donc voilà, les gens qui travaillent, et le travail mort. Et si on se représente que le travail vivant tend vers zéro, mais ça ne sera jamais zéro, c'est une tendance, et le travail mort tend vers l'infini, ça ne sera jamais l'infini, ça va se casser la gueule, mais quand même, on voit bien que si là-haut, il y en a de moins en moins, et là, de plus en plus, la valeur, ça c'est la composition valeur, elle ne fait que diminuer. Maintenant, la même chose, on peut la prendre de l'autre côté, et ça donne ça. On a le travail, c'est un rapport, hein. On a le travail mort et le travail vivant. Le travail mort qui tend vers l'infini, c'est la même chose, hein, simplement retourné, et le travail vivant qui tend vers zéro. Et là, on voit qu'on a une production technologique exponentielle, et en même temps, pour autant, toujours moins de travail. Donc je veux dire, en le représentant comme ça, c'est ma représentation, je ne dis pas que Marx l'aurait fait comme ça, je ne sais pas. Mais ça permet de voir qu'on a à la fois une production, un productivisme effréné et en même temps toujours moins de valeur. Donc il va de soi, bien sûr, que ce zéro et cet infini ne sont que des tendances. C'est des formalisations même, on pourrait dire, pour essayer de se représenter la trajectoire d'ensemble. Évidemment, la réalité est plus nuancée. Ces deux rapports sont deux aspects donc de la composition organique du capital selon le côté par où on l'examine. Une chose est sûre, d'un côté, le système s'épuise et de grandes parties de la population deviennent superflues, et de l'autre, le développement technologique est en roue libre et le monde se couvre de machines. Marx affirme que, tendanciellement, la machine peut fonctionner pour rien comme une force de la nature. C'est lui qui le dit. Et il dit aussi, moins elle cède de valeur, plus elle est productive, et plus le service qu'elle rend se rapproche des forces de la nature. Alors moi, je trouve qu'il préfigure ici ce que certains ont appelé une force géologique sous le nom d'anthropocène. Et il est même incroyable que cette idée de force géologique identifiée à la nature humaine ait été à ce point célébrée depuis 20 ans. Hein, c'est Paul Crutzen qui avait introduit l'idée en 2000 ou 2001, je sais plus. Et je trouve ça incroyable en fait qu'on ait présenté ça comme si on avait inventé le fil à couper le beurre, parce que c'est déjà dans Marx en fait. Et mais sauf que pour Marx, c'est une métaphore. Il dit comme une force de la nature. Et il n'en accuse pas l'humanité en général, mais le développement immanent du capitalisme. Alors la composition technique du capital suit une évolution historique irréversible, qui est donc en corrélation avec sa composition valeur à une époque donnée. Le moteur du développement technologique est donc dans la dynamique du capital lui-même. La rotation de ce procès de production est toujours plus folle dans l'espoir de résoudre la quadrature du cercle. Ce faisant, elle crée toujours plus d'êtres humains inutiles et toujours plus de déchets matériels. Elle ne détruit pas que la biodiversité, le climat, mais aussi les savoir-faire, les langues, les sociétés, les systèmes symboliques. C'est comme si ce mouvement ne pouvait s'arrêter qu'une fois qu'il aura semé la mort sur toute la surface de la Terre. Il n'y a donc pas une question sociale d'un côté et une question écologique de l'autre, comme le veut encore la dissociation bourgeoise qui se donne pour une pensée critique. C'est le même rapport dans un sens ou dans l'autre. Alors, prochaine question que je pose, c'est pourquoi ce métabolisme particulier est-il le premier de l'histoire à créer un gouffre énergétique? Marx qualifie les différents modes de production de métabolisme de l'homme avec la nature. Ce terme est lui-même tiré de la physiologie naissante de l'époque, qui étudie le processus chimique à l'intérieur des organismes. De même, le terme force de travail est emprunté à Helmholtz. La question a été discutée de savoir si Marx faisait sien le paradigme énergétiste de son temps, lorsqu'il parle de métabolisme ou de force de travail. Certains pensent que de tels emprunts sont métaphoriques et d'autres que c'est un Marx qui est en fait énergéticien. Alors, il est vrai que Marx reprend les termes qui vont marquer la naissance de la thermodynamique. Selon moi, pas du tout d'une manière énergétiste. Pour que du travail mécanique et du travail humain puissent se substituer, comme je l'ai montré avant, indifféremment l'un à l'autre, il faut en effet que les deux soient homogénéisés du point de vue de leur coefficient de rentabilité. Mais cette considération, qui est économique, a aussi son pendant matériel, comme on l'a vu, selon le côté par où on l'examine. La seule chose qui importe au capitaliste individuel est de choisir une composition technique la plus rentable possible. Une fois qu'elle est posée, il faut optimiser le rendement de chaque facteur de production. Le capitalisme pose donc une équivalence abstraite entre la dépense d'énergie mise en œuvre par la force de travail et la dépense d'énergie tout aussi abstraite de la machine et des flux. À ce jeu, l'humain est condamné à courir après les performances des machines modernes. Il est toujours en retard sur elles. Je pense que c'est ce que Günther Anders appelle la honte prométhéenne. C'est-à-dire qu'on est toujours finalement moins, on est toujours moins performant en tant qu'humain. Mais le développement technologique court également de son côté après toutes les activités dites supérieures de l'être humain, comme les activités symboliques, dans l'espoir de les remplacer un jour. Les deux sont supposés pouvoir se rejoindre, comme le défendent les transhumanistes et les tenants du progrès. Dans la perspective d'une critique sociale teintée d'humanisme, on a tendance à penser qu'il est odieux que le capital traite les humains comme des choses inanimées. Ce reproche sous-entend que traiter les choses sans vie, tel un robot, comme capable d'intelligence et de créativité, poserait moins de problèmes. En réalité, c'est le même réductionnisme qui opère deux fois. Une fois en direction de l'homme, ravalé au rang de force de travail interchangeable avec une force mécanique, et une fois en direction des machines qui sont nommées intelligentes, capables de décision, apprenantes, etc. Alors, on voit qu'il s'agit de faire rejoindre le travail mort et le travail vivant dans une seule et même entité cybernétique qui serait l'idéal du capitalisme. C'est un idéal qui comporte l'espoir de surmonter la contradiction fondamentale dont j'ai parlé avant. Si le zéro et l'infini de notre rapport de composition, ou bien le mort et le vivant, pouvaient se rejoindre, la contradiction serait peut-être abolie et le capitalisme pourrait durer indéfiniment. Alors la thermodynamique, à quoi ça renvoie, est née au cœur des processus industriels, alors que les ingénieurs de la fin du XVIIIe siècle étudiaient le rendement des machines. Le terme d'énergie va mettre beaucoup de temps à se mettre en place, il y a eu beaucoup de tâtonnements. Ce qui est important, c'est que c'est venu de tâtonnements empiriques et pas en premier ressort des physiciens. C'est seulement par la suite que les physiciens ont repris la question de l'énergie. Elle est rapidement devenue un paradigme dans tous les champs du savoir. Donc on voit ça au tournant du XXe siècle, au début du XXe siècle et par la suite. La plupart du temps de manière abusive. On peut supposer que ce n'est pas pour rien. Il faut souligner le caractère consubstantiel de cette découverte avec l'émergence du capitalisme industriel, ce qui d'ailleurs, il faut le dire parce que c'est une objection qui a été faite, ne revient pas à nier une objectivité des lois de la thermodynamique, mais plutôt à en historiciser la découverte. Tous les historiens de l'énergie soulignent le fait que cette notion est intimement liée aux nouveaux besoins et aux structures de rationalisation du mode de production industriel. Seuls les idéologues de l'énergie inscrivent encore cette notion dans une histoire orientée des techniques qui commencerait avec la maîtrise du feu. Pendant des centaines de milliers d'années, les humains ont employé des techniques qui s'inscrivaient dans leur système symbolique. Il n'y avait aucun enchaînement déterministe donc qui mène de la découverte du feu à la centrale atomique. Lorsque la notion d'énergie finit par être solidement établie à la fin du XIXe siècle, on se trouve confronté à une immense difficulté. Parce que d'un côté, on a atteint le plus haut degré de l'abstraction, requise par l'étude des transformations industrielles, mais à la fois, on se rend bien compte qu'il y a des menaces qui vont avec et qui commencent à être thématisées dès cette époque avec des pressentiments apocalyptiques et des discours apocalyptiques. Ces deux scénarios coexistent depuis le début. Ils font l'objet de nombreuses spéculations. Pour aller vite, donc, la première loi de la thermodynamique établit la conservation totale de la quantité d'énergie au cours d'un changement d'état. La seconde établit la dégradation irréversible de la qualité ou l'utilisabilité de l'énergie. Ou alors, on dit autrement, l'irréversibilité temporelle. Ces deux lois viennent affirmer qu'on ne fait pas du plus avec du moins. Et elles le disent dans un système de production qui ne fait rien d'autre que ça, ou qui ne vise rien d'autre que ça. C'est donc une relation très ambivalente qui va être celle du capitalisme avec la thermodynamique. Le capitalisme ignore à la fois le plus longtemps possible les problèmes énergétiques qu'il crée lui-même, et qui lui sont entièrement consubstantiels, et mis au pied du mur, il prétend intégrer la thermodynamique dans une vision qui transcenderait les impossibilités matérielles. On en arrive ainsi à développer des scénarios d'intégration cybernétique totale, en prétendant que la miniaturisation microélectronique et les progrès technologiques réduisent la facture énergétique. Et on nous dit toujours que si ce n'est pas le cas, ça sera bientôt le cas. Mais c'est quand même le contraire qui est vrai. La petitesse du produit final est en proportion inverse à la quantité d'énergie et de matériaux utilisés pour le fabriquer, sans compter la dépense énergétique liée à la croissance du réseau lui-même. On évalue ainsi la quantité de matériaux nécessaires à la fabrication d'une micropuce à environ 600 fois son poids. Et on dit, je ne sais pas, c'est des choses que j'ai lues, j'ai pas trouvé énormément là-dessus d'ailleurs, hein, mais c'est ce que j'ai lu, on dit qu'une voiture ne nécessite que deux fois son poids, une à deux fois son poids de matériaux pour être fabriquée. Donc vous avez une micropuce, il faut 600 fois son poids pour la fabriquer, et une voiture, une à deux fois. Alors la première réaction qu'on peut avoir, c'est « mais une micropuce est si petite que 600 fois son poids, ça fait quelques grammes ». Mais la microélectronique ne consiste aucunement à l'invention d'une micropuce isolée. Ça n'a aucun sens. Elle n'a de sens qu'à l'intérieur d'un réseau qui lui est indissociable et qui lui est en augmentation constante. C'est ainsi que, selon aussi certaines prévisions que j'avais lues, on prévoit pour 2025, c'est ce qu'on appelle Internet des objets, 150 milliards d'objets connectés, juste 2025. On se demande pas en 2030 et 2040, voilà ce que ça sera. Donc c'est une des raisons pour lesquelles le secteur informatique émet déjà davantage de CO2 que le secteur aérien, qui est pourtant très critiqué par certains écologistes. Mais de toute façon, qu'on critique l'un ou pas ou l'autre, à la fin, ils s'additionnent. On peut même pas dire oui, ça va se remplacer, ça s'additionne. Et voilà. Et donc on peut pas comparer non plus leurs performances pour cette raison-là. Donc la croyance en un progrès de l'efficience énergétique réalisée sur le produit final repose sur le fait d'isoler mentalement ce produit de l'ensemble de l'infrastructure sur laquelle il repose. Lorsque des auteurs mis au pied du mur sont obligés d'aborder ce point, ils ont recours souvent à une pirouette naturalisante en disant « Non mais alors quoi, vous voulez pas qu'on revienne à la bougie c'est depuis toujours, l'homme évolue comme ça, c'est du pessimisme, etc. » Donc ce n'est pas des arguments ça. Alors, je trouve qu'il y a un côté ascientifique de toutes ces affirmations sur un prétendu gain d'efficience énergétique qui se font quand même passer pour des progrès scientifiques. Car nulle énergie, nulle part, n'est jamais créée à partir de rien. Et nul travail n'est exempt d'entropie. Donc le tour de prestidigitation ne nous dit pas où a été prise l'énergie qui semble économisée sur le produit terminal. Donc il faudrait bien sûr s'entendre sur le mot « travail », qui est donc un des grands thèmes de la critique de la valeur, qui critique, qui a une critique radicale du travail, comme étant une invention de la société capitaliste. Si on considère que le castor travaille en construisant un barrage, on arrive rapidement à une vision naturalisée de l'histoire humaine, à peu près comme celle-ci, le castor travaille sur son barrage, l'être humain travaille sur le sien, et à cette différence que le castor peut détruire son environnement, et l'être humain aussi, mais il n'a jamais conçu ne serait-ce que l'esquisse d'une notion d'optimisation indéfinie de sa dépense énergétique. Donc vous n'avez jamais trouvé ça chez le castor, mais vous l'avez jamais trouvé non plus dans les sociétés prémodernes. Cette idée-là, elle est moderne. Et donc, la destruction temporaire de leur environnement par certaines sociétés prémodernes, et pas toutes, garantissait même l'interruption du mouvement de destruction. Car, en l'absence d'une métaphysique d'accumulation, la destruction s'achevait, pour ainsi dire, sur elle-même. Elle détruisait les conditions matérielles de sa propre poursuite. Alors je dirais que cette nouvelle métaphysique repose sur l'idée de faire converger les limites matérielles du système terrestre avec un développement technologique exponentiel. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs manières de se représenter cette convergence. Une, en alimentant le rêve d'une ouverture du système Terre sur le reste de l'univers, ce qui dans l'idéal donnerait accès à des sources d'énergie inépuisables, du moins à l'échelle humaine, mais qui en réalité représente déjà un gouffre énergétique que préfigurent les infrastructures toujours plus gigantesques de la recherche spatiale et la compétition internationale. Donc ça, c'est une manière d'essayer de rendre possible cette convergence. Une autre serait de faire tendre l'entropie vers zéro par la rationalisation de toutes les dépenses énergétiques en appliquant un principe de circularité cybernétique qui serait susceptible d'asphyxier toute la planète et toute vie humaine et non humaine. Il y a même un physicien, je ne sais pas ce que ça vaut, hein, je ne suis pas de formation scientifique, mais il y a un physicien qui dit que notre système d'information est susceptible de siphonner à terme toute l'énergie et donc toute la matière terrestre. Il s'appelle Melvin Fobson. Bon. Il est impossible, à mon avis, de créer un monde cybernétique circulaire, donc le terme circulaire revient beaucoup aussi quand on parle d'économie circulaire, capable de lever la contradiction dont il procède, sauf à approcher d'une sorte de fossilisation de toute vie sociale qui serait intégralement recodée dans les catégories de la cybernétique elle-même. Alors, une troisième manière, selon moi, d'essayer d'effectuer cette convergence, c'est la fusion nucléaire qui reproduirait et maîtriserait sur Terre les réactions chimiques qui se déroulent sur le Soleil. Bon, pour l'instant, il faut dire que ce projet mégalomane est infiniment éloigné de ses promesses. C'est tout ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Alors, loin de résoudre les problèmes posés par la modernité capitaliste, on voit plutôt un gouffre béant s'ouvrir où se consument toutes les énergies humaines et non humaines. Rappelons pour finir que depuis Gévon et son étude sur le charbon, et jusqu'à aujourd'hui, ça c'était à la fin du 19e siècle, dans le moindre des rapports qu'on peut voir sur ce sujet, la vraie catastrophe, c'est l'interruption des chaînes d'approvisionnement, qu'entraînerait la fin d'une ressource stratégique. Depuis près de 70 ans et les travaux de Hubert, on considère que c'est la pire chose qui va arriver avec la fin du pétrole. Les grosses angoisses ont commencé en 1973 avec le premier choc pétrolier. Là, on a entrevu pour la première fois ce qui nous pendait au nez. La dégradation irréversible du climat est un problème secondaire. Et depuis peu, un superbe alibi pour couvrir le monde d'autres sources d'énergie tout aussi nocives. Mais elles sont dites renouvelables, durables, etc. Bien entendu, elles ne se substituent même pas aux énergies fossiles, elles s'y ajoutent. C'est comme un coussin de sécurité, dans le sens des chaînes d'approvisionnement. C'est le capitalisme qu'elles ont explicitement pour mission de renouveler. Et ceci avec la bénédiction du vote vert. La théorie de la crise de Robert Kurz met en évidence le fait que l'effort que met le système à contrecarrer la diminution de la masse totale de valeur se traduit par des cycles de production de plus en plus rapides et des niveaux de production démentiels. Le rapport du travail vivant au travail mort se tend à l'extrême. Un tel niveau de rotation implique des transformations de nature thermodynamique toujours plus effarantes. On brûle en quelques décennies ce qui a mis parfois des millions d'années à se constituer. Et plus on parle de sobriété, d'efficience énergétique, d'économie circulaire, de réseaux intelligents et j'en passe, plus on fonce dans le même mur. il ne s'agit que de mieux gérer l'agonie. La même chose vaut pour les énergies dites renouvelables qui promettent au nom du salut climatique de simplement accélérer la destruction du monde. L'Agence internationale pour l'énergie publiait récemment un rapport avertissant que le respect des objectifs fixés par l'accord de Paris supposerait de multiplier par 6 l'extraction minière à l'horizon 2050. Un extractivisme qui fait déjà des ravages, sans parler de l'épuisement de certaines ressources minières, qui sont bien sûr aussi finies que le reste. Alors, je pose la question, où nous emmène ce voyage? Est-ce que c'est sur Mars? Donc je vais venir vers la fin, ça fait... voilà. Donc un petit commentaire sur ce que je disais au début, que c'était parti d'un débat interne et que finalement ça dépasse beaucoup ce débat. La pensée marxiste traditionnelle comptait sur le développement des forces productives pour libérer la société du travail. On décrivait souvent la technologie comme un facteur d'aliénation dans les conditions capitalistes, mais qui pourrait se libérer sous d'autres conditions, sous des conditions modifiées. La seule tâche à poursuivre était alors la réappropriation, comme on disait, des moyens de production par les forces productives, en gros, changer de main, mais pas forcément changer finalement de système. À partir des années 60 et 70, un certain nombre d'auteurs marxistes critiques dénoncent de plus en plus l'aliénation technique dans les conditions actuelles. Mais ils continuent de prétendre qu'elle sera émancipatrice dans des conditions modifiées. Moi, je vois ça chez quelqu'un comme Herbert Marcuse ou Murray Bookchin, par exemple. Et du coup, les discussions s'orientent vers ce qui serait à modifier, dans les usages, ou dans les artefacts techniques, ou quels sont les critères de tri, quelles seraient les technologies à conserver, les technologies à éliminer. Au détour des années 2000, la révolution informatique recycle le même thème et déclenche une nouvelle poussée d'espoir placée dans ce qu'on appelait alors l'immatériel, ou alors le mouvement des logiciels libres. On sait aujourd'hui que l'immatériel n'existe pas. Et 20 ans plus tard, la même chose se répète avec les espoirs sans fondement placés dans les imprimantes 3D pour parvenir à une production prétendument décentralisée. On dirait qu'en fait, là aussi, la critique ne fait que reculer à chaque fois. Toujours au seuil de la question de la technologie. Je trouve qu'aucun de ces auteurs, je ne vais pas tous les nommer maintenant, on n'a plus le temps, mais n'articule sérieusement la question du travail abstrait et du développement technologique. Dans ce paysage, un exemple, Moïse Poston, est une figure un peu à part. Il interprète le développement technologique comme la matérialisation adéquate du capitalisme, mais il continue de croire à une émancipation qui serait fondée sur un haut niveau de technologie. Et ceci au point de dire, alors j'ai trouvé ça dans une note de bas de page et je trouvais que ça aurait mérité davantage, je vais citer ce que dit Moïse Poston. L'analyse de Marx suggère, selon lui, que la possibilité d'une société future qualitativement différente s'enracine dans le potentiel contenu dans le travail mort. Donc, Moïse Poston pense qu'il y a un potentiel dans le travail mort, donc je vous ai dit un peu avant comment il fallait comprendre ça, qui pourrait finalement survivre au capitalisme. Et finalement, il critique beaucoup l'idéologie productiviste, l'idéologie des luttes ouvrières, mais il réintroduit ici un mystérieux potentiel qui serait contenu dans le travail mort. Donc, sans rentrer maintenant dans les détails de sa théorie, il s'agit pour lui de ce qu'il appelle les capacités générales de l'espèce qui sont développées sous le capitalisme et il pense qu'elles débordent les conditions présentes aliénées. Alors évidemment, c'est une question qui est quand même compliquée hein, parce qu'il y a des connaissances qui ont été acquises, des savoirs qui ont été acquis sous le capitalisme. Ils ne vont pas disparaître, c'est évident. Il y a des choses qu'on sait aujourd'hui et qu'on ne savait pas avant. Ce n'est pas quelque chose que je conteste. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en ferait dans un monde qui serait libéré du capitalisme. Ça pourrait aussi rester dans des bibliothèques. La question essentielle étant, quelles sont les infrastructures qui sont nécessaires au déploiement de ces savoirs. Si ces infrastructures n'existaient plus, ça serait peut-être difficile. En tout cas, ça me paraît difficile. Mais si on admet qu'il n'y a pas de travail mort sans travail vivant, un tel potentiel, au sens où l'a dit Poston, n'a aucune consistance en dehors de ce rapport. Vous vous rappelez de ce que je vous ai montré tout à l'heure? Je vous ai dit, j'ai essayé de montrer un rapport. Bon, dans un sens, le rapport s'écarte, les deux tendances s'écartent, mais elles ne vont pas casser. Et si jamais elles cassent, c'est-à-dire si elles cessent, c'est les deux qui cessent, le travail mort et le travail vivant. Et du coup, on peut pas. Je trouve difficile, en tout cas, de défendre l'idée que seul le travail mort pourrait continuer. Alors, j'en suis. J'arrive un peu à la fin. Alors, il y a cette idée que l'abolition du capitalisme, chez certains, hein, que l'abolition du capitalisme pourrait se ramener à une gestion raisonnable, donc débarrasser du profit, par exemple. des rapports de production qui, sur le fond, seraient pas forcément beaucoup changés. Car si on comprend le dépassement du capitalisme comme une gestion raisonnable et comme les bons choix, les bonnes technologies et pas les mauvaises, on ne pose pas la question qui est catégorielle, qui est posée par la critique de la valeur. Et on ne pose pas la question que j'ai posée avant. Car aucune production actuelle ne peut être maintenue, même sur une base réduite, sans d'innombrables intermédiaires économiques qui coordonnent l'éclatement des sites de production, sans chaînes d'approvisionnement globalisées, sans infrastructures capitalistes de transport et de communication, dont le coût énergétique constitue un gouffre, sans division internationale du travail, et pour finir, sans régulation étatique et sans système monétaire. Une telle abolition ne pourrait donc reposer que sur une réforme des esprits et non sur une abolition réelle. Donc, pour moi, c'est une singulière façon de recycler le vieil idéalisme philosophique issu du dualisme moderne. Finalement, en gros, le dépassement du capitalisme, ça serait on va faire mieux avec ce qu'on a déjà. Et si on pousse la critique jusqu'aux catégories du capitalisme, ben non, c'est tout qui s'arrête. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas certaines choses qui seraient reprises, mais à la base, on est d'accord pour une rupture. Et Robert Kurz appelle ça une rupture ontologique. L'idée d'un inventaire à effectuer sur la base des technologies existantes à l'époque, donc d'un basculement historique, repose en définitive sur plusieurs niveaux de critiques tronquées. Je vais les nommer et après on pourra s'arrêter. Un premier niveau de critique tronquée. La technologie moderne n'est plus critiquée dans sa consubstantialité avec la forme sociale capitaliste, mais on retourne à l'idée, qui a été dénoncée par Jacques Ellul, de pouvoir se servir à volonté dans les contenus existants, indépendamment de leur émergence et de leur fonctionnement systémique. Ce faisant, le rapport qui règle la substitution du travail mort au travail vivant n'est pas examiné, et en particulier l'impasse énergétique du capitalisme reste ignorée. Deuxième aspect que je trouve problématique, le travail, selon cette vision, n'est plus à abolir, mais à raccourcir, proposition qui est en recul complet avec la radicalité initiale de la critique du travail comme substance du capital. Une telle critique, qui est portée par Robert Kurz, notamment son livre « La substance du capital », entendait rompre avec l'instauration moderne d'un rapport de production reposant sur la mise au travail intégrale de la société et du monde, et sur l'emploi d'une main-d'œuvre salariée dite formellement libre, nécessaire à la constitution d'une sphère économique indépendante. Il n'est pas possible de rompre à moitié avec cette logique, elle ne supporte aucun compromis. Elle est intrinsèquement destinée à économiciser l'intégralité de l'existence et jusqu'au dernier grain de sable. Donc, ou on arrête avec, ou alors on continue à moitié, mais c'est la même chose en fait, en ralenti peut-être, mais c'est la même chose. Et troisième élément de critique pour moi, une telle proposition théorique, donc celle encore de choisir les bonnes technologies dans la perspective d'un dépassement du capitalisme, elle suppose un sujet bourgeois raisonnable qui prendrait les bonnes décisions, qui déterminerait les bonnes limites, une fois débarrassé de la compulsion de valorisation. Or, ce sujet n'existe pas. Il est lui-même la création idéalisée de cette forme sociale particulière dont la psychanalyse a radicalement critiqué la prétention à se croire au centre de ses décisions. On ne peut donc que rappeler pour finir la manière dont Robert Kurz entend la critique du travail. Il s'agit de libérer radicalement toutes les activités humaines de leur subsomption sous un étalon de mesures homogènes, le temps de travail socialement égalisé, destiné dans le capitalisme et lui seul à augmenter indéfiniment la productivité afin de rester compétitif sur le marché. L'idée même de productivité, de potentiel de productivité, l'idée de rationaliser le temps, l'idée de rationaliser la dépense d'énergie, ne saurait perdurer dans une société qui aurait réellement dépassé ce rapport social. Et là, je vais m'arrêter.